J'aimerais que tu me promettes de continuer à croire en nos rêves. Pas laisser tomber si la vie m'enlève. Je l'aurais pas décidé, je veux que tu promettes. Tu resteras fort. Ah mon amour, à celui que j'aime, dur mais j'avoue que mes jours sont comptés. Oh oh eh oh, entends-tu du ciel? Oh oh eh oh, l'été sur mes lèvres. Désolé, pardonne-moi, je m'en vais. Même dans haut, n'oublie pas que je t'aime. Le chemin de notre amour y sera long. Je te promets de t'aimer jusqu'au bout. Et si demain je m'en vais loin tout là-haut, tu resteras mon unique rendez-vous. Le chemin de notre amour y sera long. Je t'ai promis de rester jusqu'au bout. Et si demain je m'en vais loin tout là, tu resteras mon dernier rendez-vous. Tu devras tenir ta promesse. Dans tes yeux je lis un cœur en détresse. Je suis pas encore partie. Sache que tu m'as rendue heureuse comme personne l'a fait. J'ai mis le réveil et c'est mon heure qui va sonner. Si seulement j'avais le pouvoir de combattre sans y laisser ma vie. Vivre encore à côté de toi, je peux plus, même si j'en ai envie. Désolé, pardonne-moi, je m'en vais. Même dans haut, n'oublie pas que je t'aime. Le chemin de notre amour y sera long. Je te promets de t'aimer jusqu'au bout. Et si demain je m'en vais loin tout là, tu resteras mon unique rendez-vous. Le chemin de notre amour y sera long. Je t'ai promis de rester jusqu'au bout. Et si demain je m'en vais loin tout là, je te promets que jamais, non jamais, non jamais, non jamais, j'en aimerai un autre. Jamais j'en aimerai un autre. Jamais j'en aimerai un autre. Jamais, non jamais, non jamais. Si seulement j'avais le pouvoir de combattre sans y laisser ma vie. Vivre encore à côté de toi, je peux plus, même si j'en ai envie. Si seulement j'avais le pouvoir de combattre sans y laisser ma vie. Vivre encore à côté de toi, je peux plus, même si j'en ai envie.